jour. A Dios, bienvenidos al paraíso. Change ma voix quand tu fais des trucs un peu dégueu. Que ça me fait l'air machiavélique et ça me fait couper en deux. J'aime bien quand tu changes ma voix. Que tu imagines un autre personnage qui serait sympa dans le miroir de l'âge. Bye bye Javier, fue un placer. Temps magique, psychédélique. C'est beau la vie quand même. C'est beau la vie. C'est beau la vie. Ebola, c'est beau la vie, toi la flamme. Je suis l'homme, tu es la femme. Dis-moi, homme, dis-moi, âme. Je suis l'homme, tu es la femme. Dis-moi, homme, je suis ta flamme. Dis-moi, homme, je suis ta flamme. Dis-moi, homme, je te dis. Dis-moi, homme, que je suis femme. Dis-toi, homme, que je suis femme. Dis-moi, homme, que je suis flamme. Dis-moi, flamme, où est l'homme? Où est ton âme? Où est ton âme perdue? Où est ton âme perdue dans la flamme de la femme? Où est ton âme? Où est ton âme éperdue? Où est ton homme? Mais pour qui es-tu? Es-tu? Pour qui es-tu la flamme? Mais de qui es-tu? De qui es-tu la femme? Freedom, freedom, il s'appelle freedom, freedom. Yeah man, Rastafari. Always in a jam, Rastafari. Always in a jam. Il s'appelle freedom. Freedom is the man. Freedom is the man. Freedom, freedom is the man. Freedom is the man. De la femme, freedom est l'homme. De la femme. Freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Freedom est l'homme de la femme. Freedom est l'homme de la femme. Flamme. Homme. Homme. Femme. Un petit souris, si tu veux changer ton son, faut bouger la boule. Freedom, freedom, freedom. Freedom, freedom, freedom. Mm-hmm. C'est beau, la technologie. Freedom, freedom, freedom, freedom. Freedom. Vivant, créatif, harmonieux, divin, cas de module, tu peux changer. Tu peux tout, j'ai à tout toujours t'émerveiller. Y'a de quoi te donner envie d'être avec nous. Je sais t'en faire, c'est trop de fou. Et comme l'impression que tu n'en es pas très loin. L'important c'est l'envie, l'important c'est là. Pourquoi j'ai perdu le tien? Pourquoi j'ai perdu mon caleçon? Et est-ce que c'est bien? Si c'est toi ma... Si c'est toi ma raison, fais-moi le bien. Est-ce que c'est toi mon caleçon? Est-ce que tu me fais du bien? Est-ce que tu me prendrais pas pour bon? Est-ce que c'est toi mon pubien? Est-ce que c'est moi mon futon? Est-ce que c'est toi mon caleçon? Est-ce que c'est toi ma putain? Est-ce que c'est toi mon futon? Oh putain, qu'est-ce que je sens bien? J'aime quand tu dis n'importe quoi au micro chez moi. J'ai rêvé de tout ça. N'importe quoi, elle chante comme Renaud. Elle vient n'importe quoi. Merci, merci, merci pour tout. C'était super les potos. Je reviendrai bien demain, mais demain je serai dans le train. Demain je serai dans le train. Et c'est pas le train qui prend l'homme, c'est l'homme qui prend le train. Et je serai à Barcelone. À Barcelone. Je vais manger des tacos. Je vais manger des petites tapas. Et je vais boire de la bière en allant marcher à la mer. Tu vas bien kiffer. On est tous jaloux. Coquillage et des bisous. A bientôt les gars, c'était cool. Cette carrière auprès de vous, public déchaîné, arrêtez-vous. Ne me donnez pas vos caleçons, vos culottes, vos soutiens-gorge. Je n'ai pas de machine chez moi pour faire du lavage. Mais vous pouvez demander des autographes, faire des photos avec moi. Je serai contente, c'est mieux que ma glace. Bravo à vous, vous êtes géniaux. Thank you to you, you are amazing, thank you. Paradise, I will see you. On the paradise. Thank you, thank you. Merci beaucoup. Obrigada. Paka, paka. I will miss you. Thank you, thank you. Don't cry, no, don't cry. We will come back soon. J'arrive, j'arrive. Ne te presse pas, j'arrive. Déshabille-toi, j'arrive, j'arrive. Un deux dans tes bras et nous deux là-bas, on ira, j'arrive. On m'a dit. Un deux, nous deux dans les bras. Là mon père, oui moi, je veux ça. Thank you. you, to everyone on this planet. We are all brothers, sisters. Just love, my friends. Love, love, love, love. Love is the answer with music and love. Peace and love. Music and peace. Peace and love and music. Make sex. Have sex. Be nice to the other. Take care of your family. I love you. I love everyone on this planet. Not me, but everyone. Sorry. It's more easy. Oh, this is convenient. It's much more easy to love you. Love is the answer, my friend. And love is to share with people. Heart, music, dance.